Guitarique en fait. C'est guitarique alors. C'est guitarique alors. Bien carré là. Je connais pas guitariste. Je vais essayer d'enlever les effets. Essayer d'enlever les effets, mais c'est... Ils ont mis... Alors, attends. Alors, ils ont mis un noise reduction. Attends, il doit avoir un délai quelque part. Attends, ça, on doit pouvoir le muter. Voilà. Là, il n'y a plus le délai. J'ai enlevé le délai, là. Attends. Très carré. pas top. T'as dit, j'ai pas entendu. C'est pas mal sans les effets guitariques aussi. Que je m'en aille, je vais être en retard. Et mon copain ne sera pas content. Ce soir je vais aller écouter de la musique. Mais c'est pas du rock, c'est de la funky. Et je peux te dire qu'il joue beaucoup mieux que moi. C'est pas grave, je vais écouter mes collègues. Et ce soir je vais voir des canons. Pas trop parce que sinon on sera encore des cochons. C'est pas vrai. Benjamin, ta gueule. Je vais aller écouter de la musique. Excuse-moi de t'avoir importuné avec tout mon bruit. Allez, va danser. Amuse-toi bien. Je prends une douche, moi. Oui, c'est mieux. Comme je vais jouir, c'est pareil.